tu es ma star d'un soir. Tu es ma vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Tu es ma star d'un soir. Que tu sois vedette ou pas, cela ne m'importe pas. Tu es ma star à moi. Aujourd'hui aux archéologues du rock, musique et télévision. Bon matin, Hélène! Salut, Caroline! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors aujourd'hui, on va se promener à travers les différents liens qui unissent la télévision à la musique, c'est bien oui, ça? Oui, on va explorer certains aspects de la musique et de la télévision ensemble. Allons-y pour commencer, si tu veux bien. Ça va pas, vraiment pas du tout être awkward, on va essayer de décrire des plans de télé. Oui, c'est ça. On va mettre des liens sur notre page. Oui, parce qu'effectivement, on va être dans le visuel beaucoup, donc ça va être un petit peu compliqué de vous le transmettre avec des mots. Ceci dit, commençons tout de suite par par l'idée que la télévision est un créateur de genre et un créateur de stars, dans une certaine mesure. En fait, oui, la télévision, c'est vraiment un médiateur par excellence. On rejoint quoi, des millions de foyers, particulièrement quand on parle de télévision américaine qui vient des États-Unis. Donc, des millions de foyers en même temps. Donc, il y a énormément de signification, d'affect, de connaissances qui sont passées à travers la télévision. Même qu'il y en a qui disent carrément que le rock ne serait pas une musique si importante que telle qu'on la connaît aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des émissions comme Ed Sullivan, Milton Berle Show ou les premiers groupes rock ont fait leur début, pas juste rock, mais aussi R&B et plein d'autres genres musicaux ont fait leur début. Il y a American Bandstand aussi. Mm-hmm. Il y a vraiment beaucoup, mm-hmm. beaucoup de shows de tunes. Le Mickey Mouse Club. Oui, Top of the Pops en Grande-Bretagne. Il y a vraiment beaucoup de shows de tunes, des shows de variété qui ont mis des genres musicaux carrément sur la map et aussi qui ont créé des stars. Elvis Presley, je pense, une des premières controverses de sa carrière, c'était au Sullivan Show. Il fallait qu'il soit seulement cadré à partir de la taille, parce qu'on ne pouvait pas voir ses jambes qui bougent et ses jambes affilées. Son déhanchement. C'est ça. du yard. Sauvage. donc, ça a vraiment créé Elvis Presley. Il y avait un show aussi qui a été comme un peu oublié, malheureusement, qui s'appelle Shindig aux États-Unis. Ah, j'ai pas connu ça. Et non. On n'était pas vivantes. mais Shindig, non, là, comme dans l'espèce d'histoire culturelle qui a été un peu oubliée. Et maintenant, j'ai vu un extrait avec Mick Jagger qui était en gros plan. Donc, il y a vraiment une création de qui est Mick Jagger à travers cette émission télévisée-là. Donc, il y avait vraiment les filles qui crient au Ed Sullivan Show avec les Beatles. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la création à travers la télévision. De la musique qui est aujourd'hui la musique paradigmatique, là, la musique mm-hmm. populaire paradigmatique, le rock. Voilà. Parlant de rock et du Ed Sullivan Show, je vous invite à aller écouter le prochain extrait musical qui, en réalité, est la première performance rock télévisée de l'histoire. Mais considéré rock, Bill Haley and the Comets, and His Comets avec Rock Around the Clock, qui est considéré vraiment comme le premier hit rock'n'roll en 1955, bon, il y a plusieurs versions. Il y en a qui vont dire non, pas pantoute, puis il y en a qui vont dire oui, absolument. Donc, bon, mais disons que ça met quand même la table assez bien. Et on va entendre M. Sullivan au tout début. Bill Haley and his Comet. So, strike up the band, eh, boys. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Put your bad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're going to rock around the clock tonight. We're going to rock, rock, rock till broad daylight. Going to rock, going to rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band goes down, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, Quand on parle de musique et d'illusion, en fait, moi, c'est vraiment une excuse pour qu'on parle de vidéoclip aujourd'hui. Quand j'étais au début de ma carrière universitaire, quand j'étais une petite étudiante au bac, j'étais certaine de faire ma carrière académique au sujet du vidéoclip. Donc, j'ai fait beaucoup de travaux de session au sujet. Puis, à un moment donné, j'ai juste comme... Je me suis écœurée, puis j'ai travaillé sur le air guitar, puis ensuite, manqué peu. Donc, ça a comme un peu changé. Mais, le vidéoclip a tout le temps été un grand intérêt pour moi, et je trouve ça comme un peu triste ce qui arrive au vidéoclip, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Mm-hmm. Vidéoclip, entre la publicité et l'art, vraiment une manière de faire connaître un artiste, encore une fois, à des millions de foyers, très rapidement, ou encore de remettre au goût du jour des artistes qui ont été un peu mis de côté. À la fin des années 70, il y a une espèce de crise dans le monde de la musique populaire. Les albums, il y a un essoufflement, voilà. Et la compagnie MTV décide... Pas MTV, désolé, je me trompe, j'ai brûlé mon punch. Warner décide d'inaugurer une chaîne de vidéoclips. Les vidéoclips existaient déjà un peu, mais il n'y en avait pas énormément. Mais bon, il y avait des balbutiements, très certainement. Il y avait en tout cas des performances filmées. Il y avait des performances filmées. Qui n'étaient pas donc, nécessairement des concepts... Non, mais tout... Tout le stock de Ed Sullivan Show existait déjà. Les Beatles avaient déjà fait quelques films vraiment sur bande, sur pellicule film. Oui, mais des petits comme ça pour Strawberry Fields Forever. Okay. Genre, je ne me trompe pas. Oui, non, pour ça, on les voit comme dans des arbres, tout ça. Mm-hmm. Queen avait fait aussi. Queen est considéré comme avoir fait le premier vidéoclip avec Bohemian Rhapsody parce que c'était sur bande vidéo. Ok, ben oui, c'était ben pour oui. Top of the Pops. Ils pouvaient pas être au show, donc ils ont décidé de faire un petit quelque chose de spécial. Ils ont recréé la pochette de leur deuxième album, Queen 2, là, qu'on les voit oui, comme je me souviens, oui. en formation Allô, chorale. Là. Ouais. Mm-hmm. Il y a comme des espèces d'effets spéciaux durant la partie opéra. Puis ça, c'est vraiment filmé sur bande vidéo. Mais il y en avait quelques... Dans la fin des années 70, certainement, de plus en plus d'artistes qui faisaient comme « Ah, on va faire ça, même s'il n'y a aucune manière de les montrer. » Et là, Warner décide d'inaugurer une chaîne qui était câblée, donc il faut s'inscrire à ça. Et il y a comme une espèce de loi antitrust aux États-Unis à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, qui faisait en sorte que Warner était obligé d'inclure des artistes d'autres compagnies de disques sur cette chaîne de télévision-là. Donc, c'était pas juste des artistes Warner. Bonne chose. Oui. Donc, l'espèce d'effet de nouveauté. Le premier vidéoclip, ça a été Video Killed, The Radio Stars, des Buggles. Oui. Et le deuxième, parce qu'on ne parle jamais du deuxième, mais c'était... Pat Benatar. Ah oui, j'ai Et le troisième, c'est du Rod Stewart. Donc, en trois clips, déjà ringard. Rod Stewart. J'aimerais bien qu'on aille écouter l'extrait de Pat Benatar dont il est question. Oui, il me semble bien que c'était Hit Me With Your Best Shot, là, si je me souviens bien. OK. Oui, on va vérifier ça et puis on va vous mettre l'extrait approprié. Ceci dit, j'ai une question à te poser, à savoir si, à ton avis, l'avènement du vidéoclip a marqué un passage très déterminant dans... qu'est-ce que je veux dire exactement? Le jour où le vidéoclip est arrivé dans la musique populaire, l'image est devenue excessivement importante au détriment de la musique, à mon avis. Bon, je suis pas d'accord avec ça. OK. Mais c'est une question que je te pose, justement. Justement. Ben, je pense que la musique était déterminante, l'image était déterminante avant. On vient d'en parler un peu. Il y avait déjà des performances qui se faisaient à la télévision avant l'avènement de MTV ou avant l'invention, en guillemets, du vidéoclip. L'image était déjà très importante. Il y avait les pochettes qui étaient très importantes. Il y avait toute une culture de la pochette des années 70 qu'on a un peu perdue. Selon moi, le vidéoclip ne s'est pas fait au détriment de quoi que ce soit. Cela mentionné, effectivement, le vidéoclip a ses détracteurs, dont Lars Ulrich, qui est le batteur de Metallica, qui vraiment déteste le vidéoclip. D'accord. Il avait déjà dit Metallica ne ferait jamais de vidéoclip. Et ils ont fait One. Ils ont commencé par One, qui est un excellent vidéoclip. En noir et blanc, il est vraiment magnifique. Ah, c'est vrai que c'est beau. Et puis là, maintenant, ils ont fait des clips avec Marianne Faithfull, puis qui durent 8 minutes, là, je sais pas trop. Voilà. Sur ce, on s'en va en écoute musicale avec Pat Benatar. Allons-y! Mais moi, je me suis trompée. C'était pas Hit Me With Your Best Shot. C'était You Better Run, et le deuxième clip sur MTV. Ah. Le clip, on pourrait en parler vraiment très longtemps. On est des enfants du vidéoclip, toi et moi. Là, on est vraiment grandi avec ça. Hein. Et étrangement, si je peux me permettre la parenthèse, mon père, moi, quand Musique Plus est apparu, il a enregistré 3 vidéocassettes pleine de vidéoclips. On parle, je pense, de l'année 1980 ou quelque chose comme ça. Musique Plus, c'est en 86 que ça a commencé. Ah oui, à ce moment-là. Il y avait Much Music avant, qui arrivait de Toronto, puis ça devait être 82-ish, là, parce que MTV, c'était 81. OK, parce que c'est peut-être sur d'autres postes spécialisés qu'il a fait ça, mais bref, il a fait 3 vidéocassettes, que moi, j'ai écouté toute ma jeunesse. Oui, oui, oui. Mais non-stop. Ce qui fait que mes références musicales sont décalées par rapport à ma génération parce que j'écoutais des tunes qui avaient déjà quelques années. Oui, t'sais. Oui. Mais... C'était durant les années 90, les émissions à Musique Plus qui étaient rétro, là, comme Flashback, il y avait Vox Pop aussi souvent qui passait des vieux vidéoclips. Mm-hmm. Moi, je retraçais mon enfance avec ça parce qu'avec ma sœur, j'écoutais beaucoup, beaucoup Much Music. Ah. Puis dès que ma sœur était heureuse de regarder un vidéoclip, moi aussi, parce que j'étais plus jeune, fait que j'étais comme « Alright! » Évidemment. Et je compte pas le nombre de fois où ma sœur, Catherine, si tu m'écoutes, je l'ai retenue celle-là, où ma sœur m'a enfermée dans la salle de télévision avec le clip de Thriller pour ensuite se sauver puis me laisser tout seul avec ça. J'étais terrorisée. Moi aussi, j'avais peur à Thriller, puis ma sœur tripait tellement sur ce clip-là, puis j'avais peur. C'était pas drôle. Ceci dit, pendant qu'on y est, dis-moi, Hélène, c'est quoi... Donne-moi, s'il te plaît, ton top 2 de tes meilleurs vidéoclips et ton top 2 de tes pires. Oui, il y en a vraiment beaucoup, mais deux... auquel je reviens toujours, c'est Boys of Summer de Don Henley. OK. Qui est Don Henley, lui qui a chanté Hotel California dans les Eagles, donc un membre très important dans les Eagles. Boys of Summer, un clip réalisé par Jean-Baptiste Mondino, 1984, un chef-d'œuvre artistique, c'est en noir et blanc. Le jeu d'ombre est magnifique. C'est un clip qui... J'ai encore la chair de poule à le regarder. Il va falloir que j'aille voir ça. Il n'est pas disponible sur YouTube. Il est seulement disponible sur Dailymotion. Que je vais le mettre sur la page web des archéos, c'est sûr. Et mon deuxième, c'est Les cerfs-volants de Benjamin Biolay, un clip français. Dieu sait que les Français ont fait des très mauvais vidéoclips pendant plusieurs années. À part Marcia Baila, bien sûr, là, qui se trouve au musée. Mais Les cerfs-volants de Benjamin Biolay, qui est un vidéoclip qui commence comme dans un parc artificiel. On voit le gazon artificiel. OK. Puis là, soudainement, ça se métamorphose plutôt en jardin bois de Boulogne à Paris. Mm. Puis là, vraiment de manière comme seamless, comme on dit en anglais, mais sans clash, rien, il nous amène à Central Park à New York. Okay. Et là, dans une vision, à la toute fin, c'est vraiment une vision extrêmement urbaine avec des paysages qui sont vues des airs, New York vues des airs sous la pluie. C'est magnifique. Et c'est une chanson aussi que j'aime vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est mon top 2 de mes meilleurs vidéoclips. Ah, mais tu vois, ça sera deux vidéoclips à découvrir en ce qui me concerne parce que je les connais pas. Puis mes deux pires, Danser pour danser de Martine Chevrier, vraiment, là, qui est vraiment horrible, désolée, pauvre Martine. Non, parce que je suis sûre qu'elle a été forcée à faire ça. Et c'est comme une espèce de récapitulation de l'histoire de l'art durant ça a été fait en 88, donc les 30-40 années précédentes. Il y a vraiment beaucoup d'art moderne dans ce clip, mais c'est mal fait. C'est vraiment, vraiment quétaine. Et What's Up With You de Eddie Murphy avec Michael Jackson, qui est comme... ça aussi, c'est une espèce... Il essaye de faire des effets spéciaux, ça réussit pas vraiment. C'est vraiment un clip complètement inspirant. Puis Eddie Murphy qui a souvent essayé de faire de lancer sa carrière musicale, puis ça a tout le temps foiré. Et je pense qu'avec What's Up With You, la tune n'est pas si pire, là, mais le clip est vraiment épouvantable. C'est à l'époque, début des années 90, où les clips c'était comme des événements. Là. Fait que, il a raté il ça. Il s'est planté solide. De mon côté, j'aurais pu choisir à peu près n'importe quel clip de Björk, parce qu'ils sont tous magnifiques. Je me suis arrêtée par contre sur All Is Full of Love. Je ne sais pas qui a réalisé c'est ça. C'est Chris Cunningham. C'est lui qui a réalisé. C'est lui aussi qui a réalisé Frozen de Madonna. Ah, qui était superbe aussi. Oui. Vraiment. Donc, All Is Full of Love, c'est des robots, mais c'est touchant. C'est une histoire d'amour. Oui, oui. Et puis, vraiment, c'est touchant. C'est émouvant. L'esthétique est magnifique. Ah oui, oui, oui. Puis, la lenteur, tout un temps de s'installer dans ce clip-là, c'est de toute beauté, franchement, là. Björk a beaucoup travaillé avec comme une espèce de sainte trilogie du vidéoclip, Chris Cunningham, Michel Gondry et Spike Jonze aussi. D'accord. Donc, beaucoup mis de soin à ces vidéoclips. Ah, vraiment? Hunter, c'est ça le titre oui, de la chanson? Hunter, c'est superbe aussi. Oui. En fait, ils sont tellement tous beaux. Oui. Elle a un univers, cette fille-là. je le dirai jamais assez. Pour moi, c'est un génie. Et pourtant, étrangement, je ne suis pas une artiste que j'écoute beaucoup. mais c'est un génie à halluciner. Et sinon, je choisirais aussi de vous parler du clip Sledgehammer de Peter Gabriel. Un classique. Oui, un classique, oui, oui. C'est beau. C'est une des premières fois où on voit apparaître le stop motion. Oui. Qui n'était pas vraiment utilisé à ce moment-là. Non, c'est vraiment un clip qui est encore atypique. Je trouve que c'est encore un clip qui est complètement atypique, mais qui a bien vieilli. C'est comme, c'est un peu comme un truc très étrange, mais qui fonctionnait très très bien, qui fonctionne encore très très bien. Et d'ailleurs, j'ai comme un flash, il n'y a pas les Colocs aussi qui avaient fait un clip en stop motion pour Julie. Et pour d'autres aussi, genre, ils ont souvent utilisé cette technique-là. Mais eux, ils n'avaient vraiment pas de budget, puis ils le faisaient eux-mêmes, oui, maison. Oui, c'était vraiment Dédé Fortin qui le faisait, oui. Oui. Et sinon, mes deux pires, ben y en a un qui est un classique aujourd'hui sur YouTube, et on parle ici de La Bamba Triste de Pierre Billon. Oui. C'est vraiment pas fort, on comprend pas ce qu'il fait là dans son espèce de spa scandinave avec son coton ouaté, là. Je sais pas. On a comme le meilleur et le pire des vidéoclips français, La Bamba Triste et les cerfs volants. Hein. Et puis un autre clip qui franchement est pas tellement glorieux, on est obligé de le dire, c'est I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder. Qui est c'est tellement sûr. Étrange. Bon, il a pas vu son clip, ça, c'est ça. Ah, oh, oui, oui. Franchement, là, on aurait pu s'en passer. On va tout mettre ces liens-là sur la page web, bien entendu. On va se diriger en musique maintenant, cette fois avec Hey Hey with the Monkees, la chanson thème, si on veut. De la série Les Monkees. Oui, qui est une des premières séries qui tournait autour d'un band créé de toutes pièces, je crois, dans... Qui était la réponse aux Beatles, la réponse américaine aux Beatles, apparemment. Les Monkees sont vraiment restés un boys band, mais moi, c'est une de mes chansons préférées de l'histoire. Puis ce que je trouve agréable à propos... Ce que je trouve agréable à propos de l'histoire de ce band-là, c'est qu'ils ont continué à rencontrer du succès après, quand l'émission a cessé d'être diffusée. En fait, il y a un revival à la fin des années 80 parce que MTV a diffusé leur série. Mm-hmm, oui, je me souviens. C'est comme ça qu'ils ont rebondi et qu'ils sont redevenus à la mode, mais ils ont été quand même assez oubliés entre les deux. OK, parfait. Donc, on y va avec Hey Hey with the Monkees. Here we come, walk down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. The only time to get restless, there's always something new. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly, come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Oh. Anywhere, just look over your shoulder. Guess who'll be standing there? Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. Alors, la raison pour laquelle on a introduit... en fait, on a écouté les Monkees, c'est pour introduire la section dont on veut parler maintenant, qui est la musique de télévision. Il y a vraiment beaucoup de musique qui joue à la télévision, mais on s'en rend même plus compte. Il y a les musiques dans les publicités. Ouais. Il y a une grosse époque où le jingle est vraiment été roi. Puis là, maintenant, le jingle, c'est pour faire des jokes, souvent, parce que sinon, ça rate. Mais il y a aussi la musique dans les téléromans, les séries. Puis, qu'as-tu à dire là-dessus, Caroline? Ben, en fait, moi j'aime quand on fait appel à des artistes en particulier pour réaliser des pièces musicales pour des séries ou j'aime aussi le concept d'émission musicale un peu à la manière de Belle et Bum ou de En direct de l'univers ou encore Pour un soir seulement. Pour un soir seulement. Ça, c'est des émissions qui font la promotion de ce que les artistes font, puis je trouve ça très, très intéressant. Autrement dit, ceci dit, petite parenthèse pour dire que l'approche est très différente quand on parle de musique de télévision versus musique de cinéma, pour plein de raisons, notamment des raisons techniques, à savoir les systèmes sur lesquels ces musiques-là vont être diffusées sont vraiment pas aussi performants qu'au cinéma. Donc, il va y avoir un beaucoup moins grand souci du détail sur la musique qui va être produite pour la télévision. Et puis souvent même, on va faire appel à des compositeurs ou à des musiciens pour qu'ils produisent des banques de musique un peu anonymes, si on veut, qui ne seront pas rattachées à la base à des images et dans lesquelles les réalisateurs et les producteurs vont aller piger pour monter les trames sonores, que ce soit de publicité ou de séries télé. Des fois, des transitions entre les scènes, les fameuses guitares. Donc, c'est beaucoup moins... c'est souvent beaucoup moins personnel qu'au cinéma. Ceci dit, c'est pas toujours le cas. Des fois, on voit arriver des exceptions, comme par exemple pour la série Trauma de Fabienne Larouche, merci, qui, elle, a décidé de faire appel à des artistes en particulier et de leur demander de faire des covers, mais revisités à leur manière pour constituer les trames sonores de chacune des saisons. Il y a entre autres Ariane Moffat qui s'est occupée de la première et de la deuxième saison. Ensuite de ça, il y a eu Pascal Picard pour la troisième saison. Et plus récemment, Martha Wainwright qui a travaillé sur les musiques de la quatrième saison. On est rendu à la quatrième saison. Déjà. Mais c'est bien fait cette série-là. Moi, je ne l'ai pas suivie assidûment, mais ce que j'en ai vu, j'ai apprécié. OK. J'écoute Infoman. OK. Moi, j'écoute ça. Hein? ceci dit, je vous invite à aller écouter peut-être l'extrait de Martha Wainwright, la reprise qu'elle a faite de la pièce « Aïe, tu me fais mal » de Jerry Boulet, qui est vraiment superbement faite. Mais c'est pas ce que je vais vous proposer comme extrait musical. On va plutôt aller du côté d'Ariane Moffat avec sa version de la pièce de R.E.M. « Everybody Hurts ». When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, well, hang on. Everybody hurts. Qui définit beaucoup la musique à la télévision depuis quelques années, les dernières années, c'est les concours télévisuels qui sont à quelque part aussi des télé-réalités. Mm-hmm. Bien entendu, je pense que Star Academy vient en tête. D'ailleurs, La Voix maintenant. Juste pour une anecdote au niveau de la popularité de Star Academy au Québec, parce que la première édition, je travaillais à l'époque chez Archambault. Et c'est en 2003, ça s'est énormément vendu au point où, à ce qu'il paraît, le boss de Sony a appelé Select parce que c'est le meilleur vendeur en Amérique du Nord, là, la première semaine de vente de Star Academy. Et puis il a demandé à Select « What the hell is Star Academy and can we sell it? » Parce que c'était juste trop gros comme chiffre de vente par rapport à tout l'Amérique du Nord, carrément. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est intéressant avec les téléréalités, les concours télévisuels et la musique là-dedans, c'est que ça amène une espèce de nouvelle définition de l'authenticité. Parce que souvent, les artistes qui sont lancés à travers ces émissions-là vraiment souffrent d'un déficit de crédibilité dès le départ. Il faut vraiment qu'ils rament énormément pour se faire accepter de la part d'une certaine tranche de fans, si on peut dire. Mm-hmm. Marie-Mé, désolée de dire ça, même si je l'aime beaucoup, est encore pognée avec des fans de 12 ans, hein, oui, et tout moins. À fait, tout à fait. Wilfred, on n'entend plus parler. Non, mais Marlène Thibard est tout le temps pognée comme, tout le temps comme le cercle quétaine, qui l'a très bien accepté dès le début. Oui. Elle fait une reprise de Nathalie Simard, d'ailleurs. Ça ressemble, L'amour a pris son temps. Là, j'ai entendu ça à la radio récemment. c'est très drôle, ça. Mais, tu sais, il faut dire aussi que c'est des jeunes gens qui arrivent dans un... qui deviennent des stars instantanées sans avoir une identité claire en tant qu'artiste à la base. Je dis pas que ça n'en est pas. C'est juste que pour eux-mêmes, ça a l'air très peu défini. Il y a quand même quelques exceptions à ça. Je pense entre autres au jeune homme qui était arrivé deuxième à American Idol. Comment il s'appelle? Clay? Non. Kelly Clarkson est de la première qui est arrivée première okay. à American Idol, qui est encore... elle a des hauts et des bas, mais qui est encore dans le paysage. Qui a gagné une certaine crédibilité avec Since You've Been Gone en 2008, si je me souviens bien, cette chanson-là. Moi, je cherche, oui, je vais vous le trouver, le nom de ce jeune homme-là. Premièrement, il y a une voix particulièrement impressionnante qui rappelle un peu les vrais chanteurs rock des années 80. Il y a un pitch super aigu, il y a de la puissance. Hey, ça veut dire rien. Il est arrivé deuxième. Oui, il est arrivé deuxième derrière un jeune homme dont on n'a pas entendu parler longtemps. Mais le gars, il était quand même un peu choquant dans son genre parce que, bon, il se maquillait. Je sais c'est qui. Lambert. Adam Lambert. Oui, voilà, oui, Adam oui. Lambert. Ce gars-là est arrivé avec une identité en tant qu'artiste qui était déjà très, très claire dans son contexte de télé-réalité. Puis il l'a maintenu de sorte qu'aujourd'hui, il gagne encore sa vie oui. de ce qu'il fait et... Il est quand même encore un peu junior. Là. Oh, on le compare c'est encore drôle. À David Bowie, là, il est comme te maquille. Mais moi, ça dépend. Mais tout le temps, on va tout le temps trouver des détracteurs pour tout le monde. Eh oui, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Adam Lambert. Oui, Adam mais, Lambert. Mais oui, puis les concours télévisuels, on peut. Là, la voix. Ça va être Louis-Jean Cormier, là, un des nouveaux juges. Oui. Là, en tout cas, moi, j'ai des hautes attentes. Hein. C'est jamais bon d'avoir des hautes attentes, mais là, je suis comme, OK, un gars de l'indie québécois là, qui va être à la voix, OK. Ben moi, ça va me forcer à l'écouter parce que... Je sais pas qu'on va pas entendre tout le temps les mêmes voix. Qu'est-ce que je reproche, moi, beaucoup au concours télévisuel, c'est que c'est des voix qui sont extrêmement c'est des belles voix. Propre et gentille. C'est ça, pas préformaté, parce que absolument, tu peux pas être préformaté quand tu chantes live, là. Mais c'est ça, c'est toutes des voix blanches. Moi, j'aime ouais, ça, des voix vrai. Blanches. C'est vrai. Puis c'est Bob Dylan. Il y a pas de Thérèse Moncalme, il y a pas non. de, tu sais, de... Non, c'est ça que je trouve triste. C'est ça qui nous... David Bowie aurait jamais percé, là, avec sa voix nasillarde un peu étrange, là, dans de tels concours. C'est pas des voix extrêmement parfaites. très bien enveloppé. Très léché, oui. Exactement. Puis ça enlève rien au talent des performeurs, ceci dit. Est-ce que avant de se quitter, il y avait autre chose que tu voulais introduire? Oui, bon, je l'ai parlé un peu tout à l'heure. Internet, YouTube, qui ont énormément changé la donne de la musique à la télévision, mais plus particulièrement du vidéoclip. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de trouver des bons vidéoclips. Je sais qu'il y en a, c'est sûr, ça existe. Ben là, c'est parce que de nos jours, monsieur, madame, tout le monde en font des vidéoclips. Il y a ça, mais Internet a fait... a causé un peu la débandade, mais il y a d'autres facteurs aussi, mais la débandade de postes comme Musique Plus, mm-hmm. où ils diffusent de moins en moins de vidéoclips, parce que tu peux aller regarder le vidéoclip que tu veux au bout de tes doigts, donc ouais. avoir un système de vidéos en continu, tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui va arriver, mais ça devient un peu nul et non avenu. Musique Plus... je pense que je suis vraiment pas la seule à dire ça, mais ils n'ont jamais vraiment su comment se renouveler. Donc là, on se perd dans les séries de télé... Même pas de musique, là. Ça n'a même pas rapport. Ça n'a même pas rapport avec la musique. C'est pitoyable. Je suis désolée, là. Mais à chaque fois que mes yeux tombent une fraction de seconde sur ce type d'émission-là, j'ai l'impression d'avoir perdu... un pourcentage d'intelligence. Bon, rien de moins. Puis, donc, c'est ça. Donc, il n'y a plus vraiment de musique qui joue à Musique Plus. Donc, c'est très difficile de découvrir des nouveaux vidéoclips, à moins de vraiment être abonné à un site web qui te nourrit en termes de nouveautés. C'est pour ça qu'on regarde juste des vieux vidéoclips puis qu'on est comme un peu poigné à regarder qu'est-ce qu'on écoutait avant. Mm-hmm. Ça, je trouve ça vraiment comme dommage et plat. Puis, on n'a pas parlé non plus de... Puis ça, c'est une autre caractéristique des chaînes de télévision télévisuelle, mais... Quand on parle de mémoire puis de nostalgie, toutes les émissions, c'est comme des listes, là, les meilleurs rockstars, les pires coupes de cheveux, tous les décomptes, là, qui sont vraiment comme de la nostalgie instantanée. Et en même temps, qui sont extrêmement canonisantes et qui disent qu'est-ce qu'il faut aimer dans le rock, qu'est-ce qu'il faut retenir dans le rock. Désolé, j'ai frappé sur la table. Donc, ça, on n'a pas parlé, mais peut-être une autre fois. Ben oui, j'ai un flash actuellement parce qu'on parle de vidéoclips et parce qu'on a mentionné YouTube et donc le fait que c'est très accessible pour le commun des mortels de juste diffuser des clips qu'ils font. Ça me fait penser à un clip que je vais vous mettre en lien sur la page des archéos qui est une parodie ou un remake, si on veut, d'un clip... en fait, c'est pas une parodie, c'est juste une fille qui s'amuse avec des bons moyens techniques à faire des vidéoclips par-dessus des tunes qu'elle aime. Et elle en a fait un pour la pièce « Sail » de Owl Nation. OK. Mais ça me fait tellement rire! C'est bien fait. Ah ouais? C'est bien filmé, l'image est belle. Puis la fille, elle a l'air tellement déjantée. Là. J'aimerais ça que ça soit mon amie dans la vie. OK. Alors, vous irez voir ça, c'est très amusant. Et là-dessus, on se revoit dans 2 semaines? On va se revoir dans plus de temps que ça, parce que moi, j'ai comme un... Je vais être une jet-setter internationale durant les prochaines 3 semaines. Mercredi, je pars pour Seattle, une destination rock, sinon est une, pour aller parler de l'exposition Les Beatles à Montréal qui a lieu à Pointe-à-Calière, donc dans le cadre d'un colloque. Mais je vais en profiter pour aller voir le musée Experience Music Project, qui est à Seattle. Il y a 2 expositions en ce moment sur la musique. Là, c'est un musée qui parle généralement de musique, mais aussi de science-fiction. Donc, je vais aller voir. Il y a une exposition sur Hendrix et sur Nirvana. C'est vraiment pas cliché. Les deux viennent de Seattle et c'est à Seattle. Yes! Mais je parlais avec le conservateur qui a développé ces expositions-là, fait que j'ai très très hâte de le rencontrer. Ça va être vendredi prochain que je vais voir ça. Puis là, je reviens, je paye mes factures, je fais mon lavage et je repars pour la France immédiatement après pour un autre colloque. Cette fois-ci, je vais aller parler un peu d'une petite section que j'ai faite dans ma thèse sur la nouvelle contre-culture, celle incarnée par Motley Crue, très exactement, où les... En fait, la contre-culture, c'est la liberté absolue de faire ce que tu veux, quand tu veux, puis tu t'en fous un peu des conséquences. Donc, j'allais parler de ça. Je reviens le 11 novembre, donc. Ça sera après le 11 novembre. On ne peut pas encore vous dire la date. Et sur ça, ben merci à toi. Merci, Caro. À bientôt. Bon voyage. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.